Chapitre 1. De l'île Guaran à Acapulco. Basado en la omnipotencia de un hombre, en el derecho de saqueo de su familia, el dominio de los servicios de seguridad, la CIA, vaisseau espagnol au bord, et la Constanzia, brique de 8 canons, relâchée à l'île de Guaran, l'une des Mariannes. Depuis 6 mois que ces navires avaient quitté l'Espagne, leur équipage, mal nourri, mal payé, harassé de fatigue, agitait sourdement des projets de révolte. Les symptômes d'indiscipline s'étaient plus spécialement révélés à bord de la Constanzia, commandée par le capitaine Don Orteva, homme de fer que rien ne faisait plier. Certaines avaries graves, tellement imprévues qu'on devait les attribuer à la malveillance, avaient arrêté le brick dans sa traversée. L'Asia, commandée par Don Roque de Guzuarte, avait été forcée de relâcher avec lui. Une nuit, le compas était brisé, on ne sait comment. Une autre, les haubans de misaine manquèrent comme s'ils avaient été coupés. Et le mât tomba avec tout son gréement. Enfin, les drosses du gouvernail s'étaient rompues 2 fois pendant une importante manœuvre. L'île de Guaran dépend, comme toutes les Mariannes, de la capitainerie générale des îles Philippines. Les Espagnols étant là chez eux, ils purent donc promptement réparer leurs avaries. Pendant ce séjour forcé à terre, Don Orteva instruisit Don Roque du relâchement de discipline qu'il avait remarqué à son bord, et les 2 capitaines s'engagèrent à redoubler de vigilance et de sévérité. Don Orteva eut à surveiller plus spécialement 2 hommes de son équipage, le lieutenant Martinez et le gabier Rosset. Le lieutenant Martinez, ayant compromis sa dignité d'officier dans les conciliabules du gaillard d'avant, avait dû être plusieurs fois consigné et pendant ses arrêts, l'aspirant Pablo l'avait remplacé dans les fonctions de lieutenant de la Constanzia. Quant au gabier Rosset, c'était un homme vil et méprisable, qui ne pesait les sentiments qu'au poids de l'or. Il se vit donc serré de près par l'honnête contremaître Jacopo, en qui Don Orteva avait toute confiance. L'aspirant Pablo était une de ces natures d'élite, franches et courageuses, auxquelles la générosité inspire de grandes choses. Orphelin, recueilli et élevé par le capitaine Don Orteva, il se fut fait tuer pour son bienfaiteur. Pendant ses longues conversations avec le contremaître Jacopo, il se laissait aller, emporté par l'ardeur de sa jeunesse et l'élan de son cœur, à parler de la tendresse filiale qu'il éprouvait pour Don Orteva. Et le brave Jacopo lui serrait vigoureusement la main, car il comprenait ce que l'aspirant disait si bien. Aussi, Don Orteva avait-il là 2 hommes dévoués, sur lesquels il pouvait compter absolument. Mais que pouvaient-ils tous 3 contre les passions d'un équipage indiscipliné? Pendant qu'ils s'employaient jour et nuit à triompher de l'esprit de discorde, Martinez, Rosset et les autres matelots marchaient plus avant dans la révolte et la trahison. La veille de l'appareillage, le lieutenant Martinez se trouvait à Guaran dans un cabaret de bas étage, avec quelques contremaîtres et 20 de marins des 2 navires. « Camarades, disait Martinez, grâce aux avaries survenues si opportunément, le brick et le vaisseau ont dû relâcher aux Mariannes, et j'ai pu venir ici m'entretenir secrètement avec vous. »« Bravo !» fit l'assemblée d'une seule voix. « Parlez, lieutenant, dirent alors plusieurs matelots, et faites-nous connaître votre projet. »« Voici mon plan, répondit Martinez. Dès que nous nous serons emparés des 2 navires, nous ferons route vers les côtes du Mexique. Vous savez que la nouvelle confédération est dépourvue de marine. Elle achètera donc nos vaisseaux les yeux fermés. Et non seulement notre paye sera ainsi réglée, mais le surplus du prix de vente sera également partagé entre tous. C'est convenu. Et quel sera le signal pour agir avec, ensemble à bord des 2 bâtiments? Demanda le gabier Rosset. Une fusée s'élancera de l'Asia, répondit Martinez. « Ce sera le moment. Nous sommes 10 contre 1 et les officiers du vaisseau et du brick seront faits prisonniers avant même d'avoir le temps de se reconnaître. « Où sera donné ce signal ?» demanda l'un des contremaîtres de la Constantia. Dans quelques jours, lorsque nous serons arrivés à la hauteur de l'île Mindanao. Mais les Mexicains ne recevront-ils pas nos navires à coups de canon ? Objecta le gabier Rossé. Si je ne me trompe, la Confédération a rendu un décret qui met en surveillance tous les bâtiments espagnols et, au lieu d'or, c'est peut-être du fer et du plomb qu'on nous enverra par le travers. Sois tranquille, Rossé. Nous nous ferons reconnaître, et de loin, répliqua Martinez. Et comment ? En hissant à la corne de nos brigantines le pavillon du Mexique. Et ce disant, le lieutenant Martinez déploya aux yeux des révoltés un pavillon vert, blanc et rouge. Un morne silence accueillit l'apparition de cet emblème de l'indépendance mexicaine. « Vous regrettez déjà le drapeau de l'Espagne ?» s'écria le lieutenant d'un ton railleur. « Eh bien, que ceux qui éprouvent de tels regrets se séparent de nous et aillent virer vent devant sous les ordres du capitaine Don Orteva ou du commandant Don Roque. Quant à nous, qui ne voulons plus leur obéir, nous saurons bien les réduire à l'impuissance. »« Oui ! Oui !» s'écria toute l'assemblée d'une commune voix. « Camarades !» reprit Martinez. Nos officiers comptent, avec les vents alisés, voguer vers les îles de la Sonde. Mais nous leur montrerons qu'on peut, sans eux, courir des bordées contre les boussons de l'océan Pacifique. Les marins qui assistaient à ce conciliabule secret se séparèrent alors et par divers côtés, ils revinrent à leurs bords respectifs. Le lendemain, dès l'aube, l'Asia et la Constantia levaient l'ancre et mettant le cap au sud-ouest, le vaisseau et le brick se dirigeaient à pleine voile vers la Nouvelle-Hollande. Le lieutenant Martinez avait repris ses fonctions, mais suivant les ordres du capitaine Don Orteva, il était surveillé de près. Cependant, Don Orteva était assailli de sinistres pressentiments. Il comprenait combien était imminente la chute de la marine espagnole que l'insubordination conduisait à sa perte. En outre, son patriotisme ne pouvait s'accoutumer aux revers successifs qui accablaient son pays et auxquels la révolution des États mexicains avait mis le comble. Il s'entretenait quelquefois avec l'aspirant Pablo de ces graves questions, surtout ce qui touchait à l'ancienne suprématie des flottes espagnoles sur toutes les mers. « Mon enfant, lui dit-il un jour, il n'y a plus de discipline chez nos marins. Les symptômes de révolte sont plus particulièrement visibles à mon bord, et il se peut, j'en ai le pressentiment, que quelque indigne trahison m'arrache la vie. Mais tu me vengerais, n'est-ce pas, pour venger en même temps l'Espagne qu'on veut atteindre en me frappant ?»« Je le jure, capitaine Orteva, répondit Pablo. Ne te fais l'ennemi de personne sur ce brick, mais souviens-toi, le jour venu, mon enfant, qu'en ce temps de malheur, la meilleure façon de servir son pays, c'est de surveiller d'abord et de châtier, s'il se peut, les misérables qui veulent le trahir. Je vous promets de mourir, répondit l'aspirant. Oui, de mourir s'il le faut pour punir les traîtres. Il y avait 3 jours que les navires avaient quitté les Mariannes. La Constantia marchait grand largue, par une jolie brise. Le brick, gracieux, alerte, élancé, ras sur l'eau, sa mâture inclinée à l'arrière, bondissait sur les lames qui couvraient d'écume ses 8 caronades de 6. « 12 nœuds, lieutenant, dit un soir l'aspirant Pablo à Martinez. Si nous continuons ainsi à toujours filer vent sous vergue, la traversée ne sera pas longue. Dieu le veuille, car nous avons assez pâti pour que nos souffrances aient enfin un terme. Le gabier Rossé se trouvait en ce moment près du gaillard d'arrière, et il écoutait les paroles du lieutenant. « Nous ne devons pas tarder à voir une terre en vue, » dit alors Martinez à voix haute. « L'île de Mindanao, » répondit l'aspirant. « Nous sommes en effet par 140 degrés de longitude ouest et 8 de latitude nord. Et, si je ne me trompe, cette île est par 140 degrés, 39 minutes de longitude et 7 degrés de latitude. » répliqua vivement Martinez. José releva la tête, et après avoir fait un imperceptible signe, il se dirigea vers le gaillard d'avant. « Vous êtes du quart de minuit, Pablo ?» demanda Martinez. « Oui, lieutenant. Voilà 6 heures du soir. Je ne vous retiens pas. » Pablo se retira. Martinez demeura seul sur la dunette et porta ses yeux vers l'Asia qui naviguait sous le vent du brick. Le soir était magnifique et faisait présager une de ces belles nuits qui sont si fraîches et si calmes sous les tropiques. Le lieutenant chercha dans l'ombre les hommes de quart. Il reconnut José et ceux des marins qu'il avait entretenus à l'île de Guaran. Un instant, Martinez s'approcha de l'homme qui était au gouvernail. Il lui dit 2 mots à voix basse, et ce fut tout. Cependant, on aurait pu s'apercevoir que la barre avait été mise un peu plus au vent, si bien que le brick ne tarda pas à s'approcher sensiblement du vaisseau de ligne. Contrairement aux habitudes de bord, Martinez se promenait sous le vent, afin de mieux observer l'Asia. Inquiet, tourmenté, il tendait dans sa main un porte-voix. Soudain, une détonation se fit entendre à bord du vaisseau. À ce signal, Martinez sauta sur le banc de quart, et d'une voix forte, « Tout le monde sur le pont » cria-t-il, « à carguer les basses voiles !» En ce moment, Don Orteva, suivi de ses officiers, sortit la dunette et s'adressant au lieutenant. « Pourquoi cette manœuvre ?» Martinez, sans lui répondre, quitta le banc de quart et courut au gaillard d'avant. « La barre dessous » commanda-t-il. « Au bras de bâbord devant, brasse !» File les coudes du grand phoque. En ce moment, des détonations nouvelles éclataient à bord de l'Asia. L'équipage obéit aux ordres du lieutenant et le brick, venant vivement au vent, s'arrêta immobile, en panne, sous son petit hunier. Don Orteva se retournant alors vers les quelques hommes qui s'étaient rangés autour de lui. « À moi, mes braves » s'écria-t-il. Et s'avançant vers Martinez, « Qu'on s'empare de cet officier » dit-il. « Mort au commandant !» répondit Martinez. Pablo et 2 officiers mirent l'épée et le pistolet à la main. Quelques matelots, Jacopo en tête, s'élancèrent pour les soutenir. Mais, arrêtés aussitôt par les mutins, ils furent désarmés et mis dans l'impuissance d'agir. Les soldats de marine et l'équipage se rangèrent dans toute la largeur du navire et s'avancèrent contre leurs officiers. Les hommes fidèles, acculés à la dunette, n'avaient plus qu'un parti à prendre. C'était de s'élancer sur les rebelles. Don Orteva dirigea le canon de son pistolet sur Martinez. En ce moment, une fusée s'élança du bord de l'Asia. « Vainqueur !» s'écria Martinez. La balle de Don Orteva alla se perdre dans l'espace. Cette scène ne fut pas longue. Le capitaine attaqua le lieutenant corps à corps, mais bientôt accablé par le nombre et grièvement blessé, on se rendit maître de lui. Ses officiers, quelques instants après, eurent partagé son sort. Des fanaux furent alors hissés dans les manœuvres du brick et répondirent à ceux de l'Asia. La révolte avait également éclaté et triomphé à bord du vaisseau. Le lieutenant Martinez était maître de la Constantia et ses prisonniers furent jetés pêle-mêle dans la chambre du conseil. Mais avec la vue du sang, s'étaient ravivés les instincts féroces de l'équipage. Ce n'était pas assez d'avoir vaincu, il fallait tuer. « Égorgeons-les » s'écrièrent plusieurs de ces furieux. « À mort ! Il n'y a qu'un homme mort qui ne parle pas !» Le lieutenant Martinez, à la tête de mutins sanguinaires, s'élança vers la chambre du conseil. Mais le reste de l'équipage s'opposa à ce massacre. Et les officiers furent sauvés. Amenez Don Orteva sur le pont, ordonna Martinez. On obéit. Orteva, dit Martinez, je commande ces 2 navires. Don Roque est mon prisonnier comme toi. Demain, nous vous abandonnerons tous les 2 sur une côte déserte. Puis nous ferons route vers les ports du Mexique. Et ces navires seront vendus au gouvernement républicain. Traître! Répondit Don Orteva. Faites établir les basses voiles et orienter au plus près. Qu'on attache cet homme sur la dunette. Il désignait Don Orteva. On obéit. Les autres, à fond de cale. Parés à virer vent devant. Envoyez, Hardy, camarades. La manœuvre fut promptement exécutée. Le capitaine Don Orteva se trouva, dès lors, sous le vent du navire, masqué par la brigantine. Et on l'entendait encore appeler son lieutenant « infâme et traître ». Martinez, hors de lui, s'élança sur la dunette, une hache à la main. On l'empêcha d'arriver près du capitaine, mais d'un bras vigoureux, il coupa les écoutes de la brigantine. Le gui, violemment entraîné par le vent, heurta Don Orteva et lui brisa le crâne. Un cri d'horreur s'éleva du brick. « Mort par accident, » dit le lieutenant Martinez. « Jetez ce cadavre à la mer. » Et on obéit toujours. Les deux navires reprirent leur route au plus près, courant vers les plages mexicaines. Le lendemain, on aperçut un îlot par le travers. Les embarcations de l'Asia et de la Constancia furent mises à la mer, et les officiers, à l'exception de l'aspirant Pablo et du contremaître Jacopo, qui avaient fait acte de soumission au lieutenant Martinez, furent jetés sur cette côte déserte. Mais quelques jours plus tard, ils furent heureusement recueillis par un baleinier anglais et transportés à Manille. D'où venait que Pablo et Jacopo avaient passé au camp des révoltés. Il faut attendre pour les juger. Quelques semaines après, les deux bâtiments mouillaient dans la baie de Monterrey, au nord de la vieille Californie. Martinez fit savoir quelles étaient ses intentions au commandant militaire du port. Il offrait de livrer au Mexique, privé de marine, les deux navires espagnols avec leurs munitions, leur armement de guerre, et de mettre les équipages à la disposition de la Confédération. En retour, celle-ci devait leur payer tout ce qui leur était dû depuis le départ de l'Espagne. À ces ouvertures, le gouverneur répondit en déclarant qu'il n'avait pas les pouvoirs suffisants pour traiter. Il engagea donc Martinez à se rendre à Mexico, où il pourrait aisément terminer lui-même cette affaire. Le lieutenant suivit ce conseil et, laissant l'Asia à Monterrey, après un mois livré au plaisir, il reprit la mer avec la Constancia. Pablo, Jacopo et José faisaient partie d'équipage et le brick, marchant en grande largue, força de voile pour atteindre au plus vite le port d'Acapulco.